Nous sommes en live ce soir avec Farès Achour. Farès, Bonsoir. tu es conseiller et éducateur en santé naturelle, chanteur, compositeur et organisateur de cercles chantants co-créatifs. Tu as également une expérience insolite, celle d'une vie durant 5 mois avec 175 hindous qui vivent dans une région préservée du Nagpur au sein de la nature. Je suis Oriane, créatrice de René, Retrouver sa nature intérieure, terrestre et sensible, qui propose un autre regard sur le monde. Nous allons aborder avec toi ce soir ta pyramide de la vitalité, un totem pour être en bonne santé. Et pour partir de la base, peux-tu nous dire ce qu'est selon toi une bonne alimentation? Bon alors, la question est vaste en soi, C'est sûr. et qui dit de quoi, pardon? C'est sûr, elle est vaste. Qui dit bonne base alimentaire dit que eh bien il faut savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, donc ce qui est en soi, si tu veux, approprié à l'être humain et ce qui ne l'est pas. Déjà, ça commence comme ça. Donc, il faut déjà concevoir le fait que l'être humain en soi, pour vraiment répondre, déjà pour donner, si tu veux, une certaine approche et une certaine réponse à la question, déjà concevoir le fait que l'être humain est amené à s'alimenter dans un environnement qui est spécifique à sa nature. Voilà. Déjà, si on veut parler de bonne base en soi pour une bonne alimentation, c'est de chercher à comprendre dans quel environnement il a été constitué pour ensuite penser, savoir quelle est l'alimentation qui est là encore propre donc à sa biologie, donc à savoir à son anatomie, à sa physiologie, à ce qu'il est organiquement parlant. Et Donc on... des aliments Oui. naturels tels qu'on les trouve spontanément, comme ça, dans l'environnement qui correspond à l'homme naturellement. Voilà, c'est ça en soi, c'est-à-dire une alimentation qui est basée, moi j'aime bien parler de ces 3 points parce que si tu veux, c'est vraiment, selon moi, ce qui est élémentaire, ce qui est fondamental de prendre en compte, à savoir une alimentation qui soit au point, donc c'est-à-dire un aliment mûr, mature, ensuite un aliment qui est en soi naturel, donc c'est-à-dire non transformé, et il peut y avoir des méthodes de transformation, comme par exemple ne serait-ce que faire cuire un aliment, ou bien même, si on veut rechercher ici la subtilité, c'est même tenter de retirer la peau et la peau d'un aliment, ne serait-ce que par exemple, là je prends ici l'exemple des noix, où il faut retirer par exemple la coque avant de pouvoir consommer la noix en question. Et donc, Mais aussi râper des carottes. râper des carottes, éplucher des oranges, etc. Ça, ce sont des petites subtilités en soi qui fait que... On va savoir ou non ici si finalement est un aliment qui est approprié en soi ou pas. Le fait qu'il faille prendre en compte le fait de retirer par exemple une peau, contrairement à un aliment qui peut être consommé comme ça avec sa peau, eh bien c'est une particularité en soi qui fait que l'aliment que l'on peut consommer directement comme ça avec sa peau va être plus approprié ici que l'aliment qu'il faudra quelque part déchiqueter, prendre le temps pour cela. Voilà. Ça ne veut pas dire en soi, si tu veux, que cet aliment n'est pas à consommer du tout. Ça veut dire que c'est juste une remarque, une spécificité qui va nous dire que bah, cet aliment va être moins approprié que celui que l'on peut directement amener à portée de bouche et consommer comme ça. C'est ça. Et puis en alimentation sensorielle, on va un tout petit peu loin, un tout petit peu plus loin en disant que notre organisme s'est construit avec ces aliments-là et la seule performance qu'il a, c'est avec ces aliments-là justement. On est en capacité de savoir ce dont on a besoin quand on est face à ces aliments dits bruts. Voilà, c'est ça. Ben, ça rejoint exactement après le troisième point. Donc, on avait le premier point, donc mature à point. Ensuite, naturel approprié à l'organisme, à l'être humain. Et ensuite, pardon, naturel, pas transformé, ok. Et ensuite, le troisième point, c'est la possibilité de le manger brut sans le combiner. Voilà. Donc, c'est-à-dire vraiment consommer, pouvoir consommer le produit tel qu'il est, donc sans le combiner à d'autres produits, justement pour quelque part tenter de cacher quelque part un goût qui ne serait pas appréciable. Voilà. Ou bien le fait qu'il n'ait pas une qualité suffisamment satisfaisante pour le compléter avec d'autres produits ici. Voilà. Voilà. Oui, Donc, si tu. Ouais. Vas-y, parce vas-y. que ce qui sent bon et ce qui est bon au goût, c'est face à un aliment non transformé, c'est forcément ce qui correspond à nos besoins, donc ce qui est bon pour nous. Exactement. Si on se force à Et manger quelque chose qu'on n'aime pas, il y a de fortes chances pour que ce soit quelque chose dont on n'a pas besoin. voilà, exactement. Alors ça, ensuite, on pourrait aller plus loin, si tu veux, dans cette voilà, sur le sujet en question de savoir qu'est-ce qui est un aliment qui peut être plaisant naturellement d'un aliment qui ne l'est pas. Moi, je pense, ça reste mon opinion, je pense que les goûts sont restés, les saveurs en tout cas, sont restées propres ici, si tu veux, à l'être humain, à son palais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est capable de savoir par la saveur sucrée si c'est bon pour lui ou pas, mais si c'est une saveur qui est brûlante, piquante, là, c'est un signe pour lui qu'il faille le consommer avec parcimonie. Parce que justement, la saveur brûlante, piquante, nous rappelle ici que bah, le produit est irritant. Et comme il est irritant, alors sa consommation doit être soit modérée, soit très modérée, ou bien complètement à éviter, en fonction après de la quantité, de la dose de piquant et de poison Tout à fait. qu'il y a à C'est l'intérieur. ce que dans mon jargon, j'appelle l'arrêt. Quelque chose qui fait qu'on arrête de vouloir le manger. Voilà, exactement. Ensuite, tu as ce qui est valable pour moi pour les piquants est aussi valable pour les amers. C'est-à-dire que ici, je pense également que les amers sont une saveur qui peut représenter une multitude de catégories de substances qui peuvent être non pas appréciées par l'organisme et non pas métabolisées par celui-ci. Et je pense ici notamment, par exemple, aux alcaloïdes. Tu as par exemple tout ce qui est théobromine, caféine, qui sont finalement des substances à la saveur très amère quand on les consomme et qui, selon moi, lorsqu'on regarde un enfant, si tu veux toucher cela, généralement il a plutôt tendance à le rejeter, à dire c'est Oui. amer, j'aime pas ça. Bon. Mais tu as le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est intéressant parce que tu as à la fois une saveur qui est sucrée et une saveur qui est amère. Plus le pamplemousse, après, ça dépend des variétés, mais en général, plus le pamplemousse est mûr, et moins il sera amer. Voilà. A contrario, l'endive, plus elle est jeune, moins elle est amère, et plus elle grandit, plus elle est très amère en soi. C'est la raison pour laquelle on consomme ici des endives qui ne sont pas mûres en soi. Bon, voilà. Ouais. Juste par rapport, voilà. Donc ça, si tu veux, c'est une base en soi pour savoir qu'est-ce que l'être humain devrait consommer en matière d'aliments. J'aurais plutôt tendance à dire ici que spécifiquement, pardon, la catégorie d'aliments qui est vraiment en soi appropriée à l'être humain me semble être les fruits. Et ensuite, pas non plus n'importe quel fruit, parce que moi, j'ai classifié. Bon, je n'ai pas la possibilité là de donner ensuite les données les expériences, les analyses moi que j'ai faites concernant différents fruits, mais j'ai pu ici regrouper les différents fruits qui sont les plus appropriés, les moins appropriés pour l'être humain, donc en fonction des spécificités dont celles dont on a parlé, comme par exemple la peau. Voilà, la peau du produit. Mais en soi, si tu veux, il y a certains fruits. Est-ce qu'on peut retrouver, Oui. est-ce qu'on peut retrouver ces analyses quelque part? Alors, ces analyses, pour le moment, je ne les ai pas publiées. Je le ferai, mais je pense dans les mois à venir, voire l'année prochaine, parce que ça va être ici constituant d'un ouvrage donc, qui va porter donc, sur l'alimentation et qui mettra justement en avant ce travail qui est fait sur le fait de savoir quel est l'aliment le plus approprié ici à l'être humain et vers lequel on pourrait se diriger et qui serait vraiment ici à 100% approprié à l'être humain. Donc, j'ai classifié les choses de sorte de savoir quel est vraiment le produit naturel spécifique absolument à l'être humain et en allant en dégressif, si tu veux, en allant vers le bas, c'est-à-dire le produit le moins approprié. Voilà. Je n'ai pas répertorié Ok. ici Est-ce que tu peux la nous dire totalité juste des sur fruits, quelle mais base, pardon, je n'ai pas répertorié, si tu veux, la sur quelle totalité des base tu as produits. fait ces analyses? Sur la base d'analyse d'ordre biologique, donc c'est-à-dire les caractéristiques même de l'être humain et de son environnement, c'est-à-dire moi, je ne conçois pas le fait que l'être humain, quelque part, peut même manger correctement et s'alimenter correctement sans l'environnement qui l'a constitué. Parce qu'à la base, si tu veux, nous sommes véritablement le produit d'un environnement. Nous avons les spécificités, les caractéristiques d'un environnement bien particulier, comme finalement tout être vivant en soi. Et puisque nous sommes le produit d'un environnement et que notre corps, notre organisme est le produit, le système respiratoire, par exemple, n'a pas été constitué avant que l'air apparaisse. Il a fallu que l'air soit présent pour que le système respiratoire ait été constitué en nous, en notre corps, afin de traiter cet air. C'est comme une nourriture d'un élément gazeux. La nourriture dont on parle est finalement une alimentation d'ordre physique, solide, solide et liquide, donc finalement organique. Mais c'est pareil, cette alimentation, tout comme l'air et d'ailleurs tout comme la lumière du soleil, tout comme l'eau, tout comme la terre en soi, c'est une alimentation qui était là avant la présence de l'être humain. Ouais. Voilà. Et le système digestif a été constitué de sorte que il soit en mesure de pouvoir traiter, de pouvoir décomposer cette nourriture qui était là finalement avant lui. Donc il y avait bien une nourriture qui était là avant pour que ce système digestif ait été composé tel qu'il est et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc la véritable base alimentaire, c'est celle-ci, c'est-à-dire vraiment une nourriture qui est spécifique à l'être humain, mature à point, non transformé, non combiné, et finalement, avec les caractéristiques que l'on a pu observer et puis les données que l'on a depuis plusieurs siècles, finalement, parce que ces choses-là ont été déjà, on va dire, observées au temps d'Hippocrate et même bien avant encore. Hein. Même dans la civilisation égyptienne, on parlait déjà d'alimentation et on cultivait finalement l'alimentation qui était appropriée vraiment ici, si tu veux, à l'être humain. Bon. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Moi, les études Évidemment que pas. j'ai faites, voilà, les études que j'ai faites, je les ai basées donc sur les données comment dire, de scientifiques qui ont travaillé déjà avant moi. J'ai repris en partie donc ce qu'ils avaient pu observer et les expériences qu'ils avaient faites à ce propos. Et puis ensuite, moi-même, sur les expériences que j'ai faites avec moi-même, et puis également avec d'autres personnes par le passé, donc voilà, au cours de mes expériences des 14 années depuis que j'étudie donc l'hygiène naturelle. Ok, super, merci. Quand on mange, on élimine, évidemment. Et donc, comment savoir si nos émonctoires fonctionnent bien? Parce que c'est une des bases aussi. Ouais. Alors, comment savoir comment fonctionne, si nos émonctoires fonctionnent bien? Eh bien, on regarde un petit peu déjà qu'est-ce qu'un émonctoire en soi. Donc, un émonctoire, c'est un organe qui est amené à éliminer un certain type de produit d'une certaine catégorie. Hein. Je vais prendre ici, par exemple, les reins. Les reins sont amenés à éliminer des déchets sous la forme de liquide. Voilà, ici à travers les urines. Donc, les reins constituent l'émonctoire pour l'élément eau. Ensuite, nous avons les intestins et puis le système d'évacuation qui est adapté ici pour les déchets organiques provenant d'un bol alimentaire. Et donc ici, nous avons, si tu veux, un émonctoire qui est favorable pour l'élément terre. Voilà. Donc les intestins, le côlon, okay, propre pour l'évacuation de déchets sous forme organique et solide, l'élément terre, les reins pour l'élément eau, okay, les urines, les poumons pour le rejet de gaz, donc c'est-à-dire l'élément air, et ensuite la peau pour les rejets, donc ici, qui concernent la chaleur, donc c'est-à-dire l'élément feu en Ouais, soi. d'accord. Voilà. Donc, lorsque nous avons, eh bien, tout simplement chaque catégorie de déchets qui est spécifique à son élément, qui ressort par l'émonctoire approprié, ça fonctionne. Mais lorsque nous avons finalement des émonctoires ici qui prennent le relais par rapport à d'autres émonctoires pour extraire des déchets qui ne sont finalement pas favorables à la porte de sortie en question, eh bien, c'est en ce sens qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne réellement. À savoir, par exemple, s'il y a des boutons qui sont rejetés par la, enfin, des déchets qui sont rejetés par la peau et que ça peut former de l'acné, on voit ici que la peau n'est pas appropriée pour ce faire. C'est Parce pas que, normal. voilà, ce n'est pas normal. Parce qu'on voit qu'il y a un symptôme qui apparaît. On voit que la peau change, peut changer de couleur, on voit que la peau peut changer de forme, on voit que finalement la peau n'est pas appropriée pour sortir un élément qui peut être ici, si tu veux, sous la forme solide et qui va former une espèce de cône ou des espèces de plaques, et voilà. Donc c'est pas la bonne sortie. Et même en soi, si tu veux, la transpiration, c'est pas quelque chose qui est normal. La S'il n'y avait transpiration rien n'est à pas. éliminer, il n'y aurait pas de transpiration. Exactement. C'est-à-dire en temps normal, la porte de sortie pour faire évacuer les eaux usées de l'organisme, c'est vraiment ici les reins. C'est vraiment ici les reins. Et pourquoi la transpiration est amenée à se déployer, à sortir par la peau, c'est parce que généralement, soit il y a des conditions environnementales qui ne sont pas favorables, par exemple, une température qui est trop importante pour l'organisme, et donc du coup, l'organisme est amené à perdre, si tu veux, ses graisses, et l'eau qui est retenue dans le corps, soit à travers les graisses, soit à travers les cellules et les tissus. Bon, donc il y a des gens qui ont une quantité d'eau dans les graisses en soi et dans les tissus organiques, qui va faire que cette eau va finalement, au lieu d'être évacuée, d'être éliminée par les reins, elle va sortir directement par la peau. Parce que pour l'organisme, c'est nécessaire, c'est vital. Si cette eau n'est pas évacuée immédiatement, il y a un déséquilibre qui apparaît au niveau, si tu veux, homéostatique, au niveau du courant sanguin. C'est-à-dire que l'organisme a tout intérêt à préserver une certaine quantité d'eau dans les courants sanguins et lymphatiques pour ensuite continuer à œuvrer correctement. Donc le fait qu'il n'ait pas le temps comme ça d'éliminer par les urines, il va éliminer directement par la peau. Pourquoi il fait cela? Parce que en général, l'organisme est déjà dans une activité, il est déjà dans quelque chose où il peut y avoir une énergie qui va être utilisée et qui va faire que cette énergie-là ne va pas être, si tu veux, utilisée pour être éliminée, pour éliminer finalement les eaux usées du corps. Et donc les eaux qui sont relâchées, qui ont été brûlées à partir des graisses et puis qui sont remises en circulation dans le corps. Voilà. Donc c'est ce qui se passe, si tu veux, ici à travers l'activité. À travers l'activité. On a un corps qui va être amené à perdre les eaux directement par la peau parce qu'il n'a aucun moyen de faire autrement. Pour pouvoir éliminer et pour pouvoir ici faire circuler l'eau par les urines, il faut retrouver le repos. Tout à fait. Merci. Repos et également activité. En quoi l'activité est-elle importante à notre santé, selon toi? Si tu veux que je montre la pyramide, dis-le-moi, hein, à quel moment tu veux t'appuyer. Eh bien, écoute, je pense que c'est le bon moment là pour en parler de cette C'est le bon fameuse. moment, alors allons-y Ok. pour la pyramide. Bon. En soi, si tu veux, sur cette pyramide, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On pourrait vraiment aller très loin. Je vais m'arrêter à des choses qui sont assez élémentaires, en tout cas pour cet entretien. On vit, si tu veux, l'être humain est amené à vivre, tout être vivant est amené à vivre, parce que derrière, il y a une raison d'être. Donc, il y a nécessité, si tu veux, à réaliser, sur Terre notamment, pour l'être humain, quelque chose qu'aucun être vivant n'est capable de réaliser. Et cela passe forcément par une activité. C'est-à-dire que c'est une action vitale, l'activité c'est une action vitale, donc c'est le complément, la combinaison des deux termes, action vitale, activité. Donc c'est une action vitale qui va être réalisée sur Terre dans le but finalement d'amener la vie vers quelque chose de plus grand. Voilà. Ouais, de Et tout. s'épanouir. De quoi? De s'épanouir. De s'épanouir, voilà. De s'épanouir, mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que pour l'être humain, l'épanouissement, c'est une récompense. C'est une récompense pour quelque chose qu'il est amené à réaliser une fois, comment dire, à réaliser, c'est-à-dire une œuvre. Et si tu veux, quelque part, l'épanouissement, l'émerveillement, c'est un petit peu la récompense qu'il gagne. Bon, j'irai, on entrera, si tu veux, un petit peu plus dans les détails après. Mais en tout cas, qui dit s'activer pour réaliser notre raison d'être. C'est-à-dire, c'est comme une mission. C'est une mission sur Oui. Terre. On est là, on a été créé par un environnement, et cet environnement nous a constitués de sorte que nous ayons à l'intérieur de cet environnement, mais en fait, qui est la Terre aussi elle-même, hein, parce que nous sommes créés sur Terre, donc nous avons une raison d'être sur Terre. Donc nous avons ici un objectif, si tu veux, à réaliser sur Terre. Et l'activité, cette activité qui est vitale pour l'être humain, va dans ce sens. Si tu veux, enfin, on est amené à la réaliser au quotidien, cette activité. Et c'est la raison pour laquelle nous soyons amenés à sortir de l'inaction. Quand tu regardes la pyramide de la vitalité en question, je mets au centre, et en tant que base fondamentale, je mets au centre le repos. Je Ah, on ne la mets. voit pas très bien là, c'est dommage. Ouais. Mais je En la mettrai complément en de dessous. l'entretien. Donc, je mets au centre, si tu veux, de cette pyramide à l'épicentre, le repos. Et de part et d'autre, à l'extrême, je mets à la base l'activité qui est à réaliser, donc si tu veux, la journée, et ensuite la nuit, c'est-à-dire l'inactivité, c'est-à-dire le sommeil. Et on voit ici, à travers cette pyramide, qu'il y a une polarité, il y a une dualité, à savoir d'un côté l'inaction, donc l'inaction et qui représente ici ce qui doit être vécu la nuit, donc la nuit. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, c'est plutôt le moment de l'intériorisation. C'est l'instant où on revient vers soi. C'est l'instant où on retrouve le repos. C'est l'instant où on se recentre. C'est l'instant où on va finalement entrer à l'intérieur de soi pour cultiver des forces et accumuler des forces. Donc, pourquoi on est amené ici à accumuler des forces? Parce que lorsqu'on sort de l'inaction et qu'on va vers l'action, c'est pour pouvoir ensuite utiliser ses forces. Et donc, dans l'utilisation qui est faite de ces forces, des forces vitales, réaliser quelque chose à travers l'activité, la journée. Voilà. Tout à fait. Donc ça peut passer déjà par l'alimentation. L'alimentation, c'est. Concevoir le fait de s'alimenter la nuit, ça n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire que vraiment s'alimenter, ça passe par quelque chose qui est une activité journalière, parce qu'il y a quelque part ici un échange. Il y a un échange qui est fait entre l'environnement et soi-même. Et donc cet échange qui est fait entre l'environnement et soi-même, si on veut parler ici des fruits ou des plantes, eh ben, ça va être un échange entre le végétal et finalement ici l'être humain. Donc cet échange-là, cette communication-là, et le fait qu'on puisse prendre un produit d'un végétal pour pouvoir ensuite s'alimenter, eh bien c'est une activité ici qui va être fait, qui va être appliquée donc la journée. Et c'est pour ça que je l'ai mis, si tu veux, Plus grand, perpendiculairement ouais. par rapport à l'élimination, l'assimilation. Mais l'activité ici est donc de s'alimenter et de digérer le produit. Bon, voilà. Donc ça, c'est, si tu veux, en faveur de l'alimentation. Mais pourquoi après on s'alimente? Pourquoi on est amené à s'alimenter? Pourquoi on est amené à se reposer? Pourquoi on est amené à dormir? Pourquoi on est finalement amené à réaliser ce genre d'activité et d'inactivité? Pourquoi on est amené, si tu veux, à déployer des forces et puis à les ramener vers soi? Le repos, c'est cela. Le repos, ça signifie reposer les forces, c'est-à-dire se reposer, se recentrer, c'est ramener les forces que l'on a déployées pour les ramener à nous, afin de les recultiver et afin de les accumuler pour pouvoir les réutiliser de nouveau le lendemain. Mais dans quel but? Eh bien, dans le but de pouvoir réaliser cette activité qui est finalement intrinsèquement liée à notre mission biologique, et c'est-à-dire notre raison d'être sur Terre. Est-ce que du coup tu peux enchaîner en parlant en quelques mots des cercles chantants co-créatifs? En quoi sont-ils pour toi utiles au bien-être? Oui. Alors, eh bien, si tu veux, ils sont même plus que cela, hein. C'est même plus que cela, c'est bien plus qu'être utile au bien-être, c'est vital. C'est vital. Est-ce que tu peux nous les décrire rapidement? Oui. Déjà pour que chacun... Déjà, là, on va parler d'art vivant. On parle d'art vivant, pourquoi? Parce que on va parler aussi de mission, de mission biologique en soi, parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cela fait vraiment partie de l'activité qui doit être essentiellement réalisée et nécessairement, finalement, indispensablement, par l'être humain sur Terre. Sauf que ça, c'est quelque chose que l'être humain a aujourd'hui soit oublié, soit rendu inconscient. L'être humain aujourd'hui, on est dans une société beaucoup où on se focalise, si tu veux, sur les besoins du corps. Voilà, les besoins du corps qui sont ici, eh bien, éliminés, s'alimenter, se reposer, quelque part, dormir aussi, se mouvoir. Bon. Et puis après, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est malade, eh bien, il est question ici de se régénérer, etc. Bon. Sauf que l'être humain, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que l'être humain, ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas qu'un corps physique. Il y a au moins quatre corps chez l'être humain. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, sentimental, il y a le corps mental et il y a finalement le corps spirituel. Bon, Oui. si on veut limiter, si tu veux, ici, l'observation que peut faire, si tu veux, un vitaliste ou un hygiéniste sur ce que peut être l'être humain. Maintenant, comme je le disais, il est question ici de besoins du corps et on discute, si tu veux, beaucoup des besoins du corps, mais on ne discute pas suffisamment des besoins de l'âme et encore moins, quelque part, des besoins de l'esprit, qui sont autant nécessaires que les besoins du corps. Donc, on se focalise sur les besoins du corps, mais en réalité, l'être humain, comme je le dis, est plus qu'un corps, il est composé d'une âme et d'un esprit. Et finalement, le corps, qu'est-ce que c'est? C'est juste en soi un vase, un véhicule qui permet à un esprit de pouvoir s'incarner dans ce véhicule. Et comment il a la possibilité de le faire? Il a la possibilité de le faire par le fluide qu'est l'âme. Voilà. Donc l'âme est ici nécessaire pour pouvoir à l'esprit s'incarner dans la matière et c'est ainsi ce que l'on est. C'est-à-dire nous sommes finalement des êtres spirituels qui sont matérialisés dans une terre, dans un vase, dans un corps, pour pouvoir réaliser une mission sur Terre. Bon. Maintenant, pourquoi les cercles chantants, mais aussi, moi je prends en compte, si tu veux, cinq arts vivants qui me semblent être indispensables de vivre au quotidien pour conserver non seulement déjà la santé, pour préserver aussi la vitalité et accumuler des forces vitales. Donc, c'est-à-dire voir son potentiel vital augmenter au fur et à mesure que l'être humain croît, c'est-à-dire depuis Oui. la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a déjà le prendre soin. Le prendre soin, pour moi, c'est l'un des arts vivants les plus importants. C'est la base. Voilà. Dont l'alimentation, la bienveillance, la bonne communication, les massages aussi, et puis ce contact chaleureux, physique, et ce respect que l'on peut avoir les uns avec les autres, tout cela, c'est nécessaire. C'est pas quelque chose qui est optionnel, qui est dispensable. Le prendre soin, la bienveillance, le respect, la bonne communication, la bonne alimentation, le contact, et puis les échanges, c'est quelque chose qui sont nécessaires pour l'être humain. Tout à C'est pas fait. quelque chose dont on peut se passer. Et ça ne touche pas, si tu veux, uniquement aux besoins du corps. C'est quelque chose qui est en rapport même avec autrui, avec finalement, avec l'autre et avec les autres êtres vivants qui sont finalement dans l'environnement de l'être humain, qui devraient être dans l'environnement de l'être humain. Donc ça prend en compte aussi ici le corps social. Ça fait appel ici à la famille et à la communauté. Et les choses ne peuvent pas se séparer, le prendre soin ne peut pas être séparé. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre et prendre soin uniquement de soi sans finalement prendre soin de l'autre et sans penser que nous sommes finalement connectés aux autres et quelque part même dépendants des autres. Parce que un enfant est dépendant de sa mère. Bon, un enfant est bien plus que cela. Il est dépendant de ses parents et il est dépendant finalement de bien plus que ses parents, c'est-à-dire d'une communauté autour de lui. Parce il a besoin de ses grands-parents, il a besoin de ses tantes, de ses oncles, de ses amis, Oui. il a besoin de tout un entourage. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui est optionnel pour l'enfant, c'est quelque chose qui est vital. Si Non, on oui. sépare l'enfant de tout ça, il ne peut pas se développer, croître correctement. Donc, il ne peut pas grandir correctement. C'est pas Ça, on le possible. sait par des, on le sait même par des expériences hein, qui ont été faites au moment de la Deuxième Guerre mondiale, sur des singes aussi, etc. Le corps social est un besoin vital. Voilà. C'est un tissu organique. Et quelque part, aujourd'hui, si tu veux, on pense la physiologie de l'être humain, on travaille, enfin, bon, la science occidentale moderne, je veux dire, travaille beaucoup sur cet aspect de l'être humain dans l'individualité, mais l'être humain dans l'individualité, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un individu. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un ensemble. Il est certes dans son corps une individualité, mais dans l'âme, il fait partie d'une communauté. Et dans l'esprit qui est même lié à son environnement et à la terre entière, il fait partie de l'univers. Il est une composante même de l'univers et il fait finalement partie d'une unité. C'est pas quelque chose qui peut être séparé, l'être humain, et n'importe quel être vivant n'est pas du tout finalement séparé de tout un ensemble et de toute une unité vivante, moi ce que j'appelle tout simplement le vivant. Et le vivant ne s'arrête pas qu'à l'être humain ou bien à un environnement naturel. C'est une composante, c'est un ensemble d'environnements qui se juxtaposent et qui sont liés et interconnectés ensemble jusqu'à l'univers tout entier. Donc finalement, si tu veux, nous, notre raison de vivre, notre activité véritable, et qui passe aussi par les cercles chantants, je vais vraiment y venir, c'est pas quelque chose qui peut être séparé finalement du grand tout, okay, de l'ensemble vivant. Bon. Donc, cette histoire de cercle chantant, si tu veux, ici, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que elle nous permet de réaliser véritablement notre mission d'être. C'est pas qu'une question de chanter pour chanter, c'est une question de chanter ensemble et de trouver la possibilité de créer une œuvre artistique. Une œuvre artistique qui passe par la musique, parce que finalement, si tu veux, on va utiliser ici notre corps. OK? On va utiliser notre corps, les spécificités, les caractéristiques de notre corps et même de notre voix pour pouvoir créer une musique. Et moi, je suis capable d'apporter un son, un motif sonore, et les personnes qui vont être autour de moi vont ici apporter leur propre motif sonore pour créer finalement une musique, et nous allons réaliser tous ensemble, de manière spontanée et improvisée, une musique qui va amener l'âme vers quelque chose de grand. Amener l'âme et aussi l'esprit. Et donc, dans cette idée, dans cet objectif, le but est finalement non pas ici de se focaliser uniquement sur le corps et ses besoins, mais de justement d'aller combler des besoins qui concernent l'âme et l'esprit ici. Donc, ça ne nous regarde plus que nous seulement, ça ne te regarde plus que toi qui chantes. C'est toi qui vas chanter avec les autres. Et si tu veux entretenir l'âme, parce on a parlé, si tu veux, au début de l'entretien, d'une nourriture pour le corps. Voilà. On a parlé des fruits. Bon, moi, je pense que la base alimentaire, même si après, on peut compléter les fruits avec d'autres produits, pour moi, ça doit être les fruits, parce que, voilà, je pense que l'être humain, est finalement vraiment un être vivant qui doit à la base consommer des fruits. On a une question à ce propos de Tom Wolfe, à laquelle tu pourras répondre après, D'accord. si tu veux bien. Mais en dehors de la nourriture qui est apportée au corps, physiquement ici, il s'agit donc de nourrir l'âme. Ce que finalement beaucoup de gens, aujourd'hui, si tu veux, ne prennent pas ça en conscience. C'est-à-dire que la santé ne peut pas passer par le fait uniquement de nourrir le corps et on ne peut pas non plus entretenir, si tu veux, ici, quelque part, l'intégralité même de l'être humain. Uniquement en nourrissant son corps physique. On doit prendre en compte ici les apports nutritifs quelque part qui peuvent être apportés sur le plan de l'âme et de l'esprit. Et pour nourrir l'âme et l'esprit, il importe ici de comprendre qu'est-ce que c'est l'âme et quels sont les besoins de l'âme et quels sont aussi les besoins de l'esprit. Et les besoins de l'âme ne peuvent pas être trouvés ici sur un plan individuel. C'est absolument un plan qui est ici collectif, un plan qui concerne la communauté, la famille. Voilà. Donc ça passe par le prendre soin, ça passe par les jeux interactifs, donc les jeux que l'on peut faire, les enfants qui aiment jouer, par exemple, si tu veux, lorsqu'ils vont faire des cache-cache ou, je sais pas moi, un épervier ou une gamelle, là, ils entretiennent des besoins qui concernent le plan de l'âme. Ça passe par la rythmique, voilà, le fait qu'on puisse, si tu veux, percuter son corps et puis se taper dessus pour faire une base de percussion. Ça passe par la danse et ça passe par le chant. Donc dans les cercles chantants, on y invite ici bien évidemment le chant en cercle. On essaye de construire, de réaliser une musique ensemble et ça peut être apporté par des paroles, mais c'est pas forcément ici qu'il y ait quelque chose qui est déjà réalisé en soi. On va être amené ici à passer par l'inventivité, par la spontanéité, et puis par quelque chose qui est improvisé. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on s'est dit qu'on va organiser. On va créer ça subitement. Après, il y a des codes pour mettre en marche, pour faire en sorte que ça fonctionne, mais l'objectif ici est vraiment de réaliser une œuvre artistique ensemble. Et à travers les cercles chantants, donc, on peut y mettre le côté rythmique et on peut y mettre aussi la danse. On peut y mettre les mouvements. Et puis après, tout autour de ça, eh bien, il y a cette recherche de l'amusement, de l'épanouissement et bien évidemment du prendre soin, comme on l'a dit. En cultivant ça, pardon, on retourne véritablement dans l'amour. Pour moi, c'est véritablement revenir dans l'amour. On recrée des liens sociaux, et il ne peut pas y avoir de santé sans amour. Voilà, pour moi, il ne peut pas y avoir de santé sans amour. Il ne peut pas y avoir de santé sans individualité, communauté et universalité. Voilà, la santé, c'est quelque chose qui dépasse l'être humain. C'est même quelque chose qui dépasse tout être vivant. La santé, qui dit santé, veut dire ce qui fonctionne. Voilà, ce qui fonctionne durablement. Quelque part, c'est ça. Et pour entretenir sa vitalité, on doit vivre dans quelque chose qui fonctionne durablement. Oui, et au-delà de ça, enfin, d'un point de vue physiologique, tout ça se retrouve avec les hormones, l'ocytocine, etc. Et on en a un besoin crucial pour être épanoui, pour le lien d'attachement avec les enfants, etc., etc. Voilà, Ouais. et l'évolution a mis en place justement ce côté plaisir de faire ce qu'on fait quand ça répond à un acte juste. Donc, le fait d'être en communauté donc de servir un groupe, c'est bon pour l'évolution et donc c'est bon pour nous, Voilà. entre autres. Exactement. Tu peux pas penser, si tu veux, la santé sans finalement te dire que ça te regarde, enfin, en pensant que ça te regarde uniquement toi. C'est-à-dire que on est aujourd'hui, si tu veux, en train de penser la santé sur un plan uniquement individuel. C'est-à-dire qu'on va penser que voilà, la santé, c'est le fait de bien manger, c'est le fait de faire de l'activité physique, et puis ensuite aller dormir, se reposer, et puis le lendemain, on recommence un petit peu, si tu veux, cette routine. Si on pense cela, on se plante complètement. On se Bien plante sûr. complètement. C'est-à-dire que on ne peut pas penser, se dire être en bonne santé. D'ailleurs, être en bonne santé, ça ne veut rien dire. Soit on est en santé, soit on vit en santé, soit on vit dans la maladie. Voilà, c'est clair. Mais on ne peut pas penser à être en santé et se dire que moi je vais bien alors que je ne vis pas finalement avec le vivant tout autour de moi. Se dire qu'on est en santé mais que finalement on vit dans une ville, non. Non, pour moi ce n'est pas possible. Si on vit avec le vivant et toute la nature autour de nous, oui et encore ça dépend. Parce que si tu veux, ton organisme à toi n'est pas fait n'importe comment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'estomac et en dessous, il y a les intestins. D'accord? À côté de cela, il y a le cœur. Mais si tu veux, tous ces organes sont placés à un endroit bien spécifique dans le corps. D'accord? Et c'est-à-dire que tout ce qui a été constitué en nous a été constitué à un endroit bien particulier dans le corps. On ne va pas retrouver le cœur au niveau du genou. Ça n'a aucun sens. D'accord? Même si tu veux, les vaisseaux sanguins vont aller jusque-là. Bon. Ok, mais les cellules du cœur ou les cellules stomacales, tu ne vas pas les retrouver au niveau de ton genou. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, l'être humain, c'est un peu ça sur Terre. C'est-à-dire que imagine-toi être une cellule. Tu appartiens à une communauté d'êtres humains. Cette communauté, c'est un organe, d'accord? Toi, tu es une cellule dans cet organe. Tu es une cellule dans l'estomac, admettons. Okay, tu es un être humain, tu es une individualité. Sauf que tu dois vivre dans l'estomac pour réaliser une fonction. Et l'estomac ne peut pas fonctionner sans les cellules. Mais les cellules ne peuvent pas chacune réaliser cette fonction de digestion. Il n'y a que l'estomac qui peut faire cela. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Entendu. réaliser notre mission de vie sur Terre, ça doit passer par la communauté. Ça ne peut pas être une entreprise qui est individuelle ici. Ça veut dire que la communauté, c'est l'organe, c'est l'estomac. Je l'identifie, je le compare ici à l'estomac. Et toi, tu es une cellule, moi, je suis une cellule dans la communauté, dans l'organe. L'organe, la communauté, peut réaliser cette fonction que l'être humain, la raison pour laquelle l'être humain est sur Terre, mais il ne peut pas réaliser cette fonction seul, individuellement. Or, il faut savoir que, il y a une loi, si tu veux, en hygiène naturelle, en hygiénisme. Qui dit, c'est une loi, c'est l'une des premières lois qu'on étudie, notamment lorsqu'on étudie vraiment le vivant, c'est la loi de l'existence. La loi de l'existence, elle dit quoi? Elle dit très simplement que tout ce qui existe dans l'unité du vivant, dans le grand tout du vivant, a une raison d'être. Voilà. OK? Si tu ne Évident. sais pas quelle est la raison d'être de l'être humain, eh bien, tu es amené à disparaître. C'est-à-dire que si au quotidien tu ne réalises pas ta raison d'être, et non pas en tant qu'être humain individuel seulement, mais dans un organe, une communauté d'êtres humains, eh bien tu es amené à disparaître. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on meurt aujourd'hui. C'est parce que l'être humain ne sait pas aujourd'hui quelle est sa raison d'être sur Terre. Et si on peut penser être en santé sans pouvoir réaliser notre raison d'être sur Terre, eh bien, c'est une illusion, on se trompe. Si on peut penser vivre sans sa famille, sans communauté, sans nature autour de nous, et penser être en santé, et puis s'exercer un petit peu en ville, etc., et puis prendre le soin de bien manger, mais ne pas penser à réaliser ce pourquoi on est sur Terre, on ne peut pas être en santé. Ainsi, ce n'est pas possible. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est certainement pour ça qu'il y a autant de ventes d'antidépresseurs, particulièrement en France. Aujourd'hui, tout le monde, si tu veux, aujourd'hui est malade. Aujourd'hui, tout le monde est malade. Ce n'est pas 99%, 95%, c'est 100%. Pourquoi? Parce que la Terre aujourd'hui est dans un total déséquilibre. Aujourd'hui, si tu veux, nos environnements sont complètement bouleversés. S'ils sont déséquilibrés, comment veux-tu que nous soyons équilibrés à l'intérieur? C'est sûr. Voilà, nous sommes le produit d'un environnement. Donc cet environnement nous a constitués. Si lui-même est malade, eh bien forcément nous sommes nous-mêmes malades, puisque C'est compliqué. nous dépendons directement de notre environnement. Nous vivons de ces conditions, nous vivons de ces éléments, nous vivons de ces facteurs. Donc c'est ça qui est compliqué. Bon, en soi, je ferai une autre vidéo pour réexpliquer tout ça, parce que je pense que ça, c'est un sujet qui est important. Je m'étais dit que j'appellerais cette vidéo le mythe de la santé. Elle sortira, je ne sais pas quand, mais je la ferai. Voilà. Parce que ça, c'est important de comprendre ça, si tu veux. Ah oui, pour moi c'est un totem, justement, c'est le titre de Ouais. la conférence. Tom te demandait donc, peux-tu nous parler de ton mode d'alimentation et depuis combien de temps as-tu choisi une alimentation essentiellement de fruits ou pas et pourquoi? Alors moi j'ai connu expérimentalement, on va dire, l'hygiène naturelle. Bon, moi je parle d'hygiène naturelle, c'est l'hygiénisme, voilà, pour les ancêtres, pour les gens qui sont vraiment qui apprécient ce terme. Je n'aime pas trop ce terme. Je préfère parler d'hygiène naturelle. Je trouve ça plus chaleureux, plus cool. Bon, moi j'ai connu, si tu veux, l'hygiène naturelle il y a 14 ans de cela en Inde, bon, dans une communauté. Et dans une communauté qui a compris aujourd'hui beaucoup de choses. Et justement, là-bas, il y a des gens qui vivent, qui ont appris à vivre correctement, plus ou moins correctement, pour connaître des âges assez remarquables aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une personne, la doyenne de la communauté, a 134 ans cette année. Elle les a eues au mois de février, et c'est quelque chose en soi qui est remarquable. Moi, si tu veux, ça m'a interpellé. Bon, en soi, j'ai connu l'alimentation vivante, je l'ai connue là-bas. Je m'étais dit que, Parce bon, que eux j'allais. mangent ce qu'il y a dans la nature uniquement. Voilà, eux consomment ce qui est propre à leur environnement, donc à savoir des fruits, mais aussi, bon, quelques plantes sauvages, et puis également des patates douces. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là-bas, ils ont une qualité de produits d'aliments qui fait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup manger sur le plan quantitatif, parce que les Ils produits sont sont tellement nourris. riches et tellement nourrissants que, voilà, à limite, un repas, ça peut se résumer à la consommation d'un fruit. Ben en plus, Voilà. s'ils sont en communauté, ils sont nourris autrement. Je pense que beaucoup de... On surmange partout dans notre société, et certainement parce qu'on comble un vide émotionnel qu'il n'y a pas quand on vit en communauté. Oui. C'est marrant parce que voilà, moi j'ai regardé l'entretien que tu as eu avec Eric Darche, et puis il parlait de quoi? Il parlait de carence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment carencé. Mais on n'est pas nécessairement carencé comme on le pense. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas nécessairement des carences sur le plan physique, nécessairement. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est impossible pour moi qu'on soit carencé. Il va y avoir plutôt des carences sur le plan physiologique parce que le corps fonctionne mal. C'est surtout ça. Les organismes aujourd'hui ont plus ou moins relativement du mal, si tu veux, à traiter les aliments que l'on donne au corps. Déjà parce qu'on donne des produits qui peuvent être intoxicants parce qu'ils sont transformés, dénaturés. Et puis parce que on mange tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, il y a toutes sortes d'agressions qui va faire que l'organisme, à un moment donné, n'est plus capable de digérer et de s'approprier les éléments nutritifs de manière correcte. Et je pense que c'est surtout aussi pour ça qu'on est carencé, en tout cas sur le plan de l'alimentation physique. Maintenant, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est surtout carencé aussi sur le plan de l'âme et sur le plan spirituel. La vie passe par l'âme. Ça, il faut le comprendre. La force vitale, celle dont je parle à travers la pyramide de la vitalité, la force vitale passe par l'âme. Elle est le fluide, si tu veux. L'âme est le fluide qui va permettre donc à l'esprit de s'incarner correctement dans le corps. Mais cela n'est que possible seulement si l'âme est bien entretenue. Et pour entretenir l'âme et les forces de vie qui parcourent l'âme et finalement qui passent à travers nous, il s'agit donc de comprendre quelle est cette nourriture, comment on peut se cultiver cette nourriture pour maintenir les forces vitales à l'intérieur de chaque organisme vivant. La raison pour laquelle nous vieillissons, c'est parce que notre potentiel vital n'est pas entretenu, donc les forces vitales ne sont pas accumulées, par conséquent, ce potentiel vital est amené à se réduire. Et s'il est amené à se réduire, c'est parce que justement, nous ne prenons pas le soin de nous nourrir correctement quotidiennement sur le plan de l'âme et notamment aussi de l'esprit. Si tu veux, le système a très bien compris cela. Le système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle aujourd'hui, il a très bien compris que ce qui maintient les êtres en vie, c'est le fait qu'ils vivent ensemble. Donc, qu'est-ce qu'a fait le système? Eh bien, il nous a séparés, il nous a complètement individualisés jusqu'à ce que finalement, nous soyons amenés à vivre dans le burn-out, dans l'épuisement, dans le manque d'énergie. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait la force? La force est quelque part, qu'est-ce qui nous maintient dans la vitalité et qui nous préserve de la maladie? C'est l'harmonie, c'est l'union entre les êtres. Voilà, comme on dit, l'union fait la force, mais c'est quelque chose qui est véritablement véridique. Justement, pour justifier le pléonasme ici, c'est véritablement véridique. Voilà. Ce qui nous maintient forts, les uns et les autres, et ce qui nous préserve de la maladie, c'est le fait de cultiver nos liens d'âme. Et le fait de cultiver nos liens d'âme, c'est nous ramener véritablement dans l'amour. Amour, ça signifie âme remplie de vie. Voilà. Amour, ça signifie âme remplie de vie. Âme remplie de lumière, amour, c'est ça que ça signifie. Donc, on ne peut pas penser vivre, comme je le disais tout à l'heure, dans la santé sans amour. Pour moi, c'est une illusion. On ne peut pas non plus penser vivre sans amour, parce que ce qui maintient la vie, c'est véritablement l'amour. Hein. La force des forces, c'est l'amour en soi. Et on ne peut pas non plus penser guérir, c'est-à-dire sortir de la maladie, c'est-à-dire sortir de quelque chose qui dysfonctionne pour retourner vers quelque chose qui fonctionne, sans passer par l'amour. Voilà, revenir dans la santé, revenir vivre dans la santé, c'est revenir vivre dans ce qui est fonctionnel, mais pour revenir vers ce qui est fonctionnel, donc c'est-à-dire dans le vivant, il faut revenir dans l'amour. Ça commence par là. Voilà, ça commence par là, avec une intelligence, une organisation, bien évidemment. Voilà. Super, merci. Je t'en Est-ce que prie. cette crise de la Covid change quelque chose dans ta façon de voir la vie? Alors, On voit à quel point on est dans une société séparatiste. Oui, il y a ça. Ça montre quoi? Ça montre que, selon moi, on ne comprend pas véritablement, bah, tout simplement, ce qu'est, au fond, la maladie et encore moins ce qu'est la santé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société aujourd'hui où la peur est constante. Voilà. On ne peut pas penser vivre dans l'amour et en même temps vivre dans la peur. C'est ça, la peur remplace certainement l'amour dont tu parlais juste avant, hein. Exactement. La maladie apparaît sur le terreau de la peur. La maladie apparaît sur le terreau de la peur. Lorsqu'on vit dans l'amour, co comment veux-tu que la maladie se développe? C'est pas possible. La maladie ne peut pas se développer sur le terreau de l'amour. Ce qui se développe sur le terreau de l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la joie. Ce qui se développe sur le terreau de la peur, c'est la maladie, la guerre, la détresse, la séparation, la division, et finalement la crainte et la méfiance envers tout et n'importe quoi, envers même le vivant. La raison pour laquelle nous mourons, c'est parce que quelque part, nous avons peur de vivre. Et si tu vois bien, les enfants, enfin, les enfants qui sont dans quelque chose qui est civilisé, on va dire, dans la société, ils ont peur de tout ce qui vit. Ils ont peur des araignées, ils ont peur des insectes, ils ont peur des serpents, etc. La communauté dans laquelle j'étais, non. Il y avait un grand amour et un grand respect pour tout ce qui vivait. Et tenir sur sa main ou dans ses bras une araignée, un serpent, c'était quelque chose en soi qui était naturel. Et il n'y avait pas de peur et donc pas de confrontation. La confrontation, la guerre apparaît dans la peur. Dans l'amour, il y a la coopération, il y a l'union. Donc aujourd'hui, si tu veux, cette crise, elle me fait prendre conscience, bah, encore plus si tu veux, à quel point les gens n'ont pas compris cela. Ils ont peur de quelque chose qui est invisible, mais en soi, il ne s'agit pas d'avoir peur d'un virus qui est là et qui est dans l'air en soi, qui est relativement finalement peu dangereux au final, pour ne pas dire pas dangereux du tout. Par contre, ce qui est dangereux derrière, c'est toujours cette ignorance. Cette ignorance, cette inconscience et finalement cette incompréhension quant à savoir finalement qu'est-ce qui nous fait vivre, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous maintient, si tu veux, dans la santé et dans la joie et loin de la peur. Donc ça revient à dire, encore une fois, qu'on voit bah, qu'il y a une grande majorité qui n'a pas compris. Quels sont les fondamentaux de la maladie et les fondamentaux de la santé? Si les gens avaient compris cela, eh bien, selon moi, ils n'auraient pas peur des virus. Ils n'auraient pas peur, d'ailleurs, ils n'auraient pas peur de mourir parce qu'ils vivraient réellement. Lorsque tu es vie dans l'amour, tu vis réellement. Lorsque tu es dans la peur, tu ne vis pas réellement, tu survis au final. Et quand tu es dans la survie, tu te méfies de tout. Et tu te méfies même de quelque chose que tu vois pas. Voilà. Pour moi, il suffit pas seulement de prendre conscience quand même de ça. On a un passé qui nous détermine et il s'agit d'aller le guérir et d'essayer de ne pas reproduire ça avec ses enfants. Parce qu'il me semble que quand on commence à mettre un enfant dans un berceau en disant qu'il faut le laisser pleurer parce que sinon il va s'habituer aux bras, quand on commence à accueillir même simplement un enfant avec des gants en plastique, qu'on le met vite dans une couveuse parce qu'il est né prématuré et que surtout il faut vite qu'il aille au chaud, qu'il est séparé de sa mère, etc. On ne peut pas espérer avoir des adultes en lien, dans l'amour, dans la santé, etc. Et c'est un gros travail de reconstruction que de réussir à réparer tout ça. Ah oui, ça, alors là, tu mets un point, enfin, pour moi, c'est un sujet qui est très important en soi, parce que bon, ben voilà, je suis là-dedans et je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. C'est une mauvaise éducation, parce qu'on a été éduqués aujourd'hui, non pas dans l'amour, mais dans la peur. Dans Et la finalement, compétition, et dans la compétition, et dans la confrontation, et la finalement. rentabilité. Voilà. Et finalement, il y a les conflits. Et puis, on est dans une guerre permanente, si tu veux. Et même, la société est elle-même dans une guerre permanente contre nous, notre famille, contre les familles. Hein. C'est l'État contre les familles aujourd'hui. Oui, donc, si tu veux, ici, c'est vraiment important, selon moi, de retravailler ça. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux faire uniquement seul. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un travail collectif à faire. C'est une prise de conscience qui doit être faite collectivement, justement pour qu'on se remette à vivre dans quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne durablement. Si on est toujours dans quelque chose où il y a une confrontation et qu'on pense que, oh bah tu sais, l'enfant, bon bah voilà, je l'ai sorti de mon ventre, maintenant il doit apprendre à vivre un peu par lui-même. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, s'il pleure, c'est pas grave, c'est pas important, laissons-le pleurer. Non, là on est clairement dans quelque chose où il y a une inconscience véritable. Voilà. Il ne s'agit pas, selon moi, effectivement, de laisser pleurer un enfant. Il s'agit d'être justement au plus proche de lui pour qu'il puisse se réaliser correctement. Voilà. Et le fait qu'il pleure, c'est parce que ici il y a finalement un besoin qui n'est pas comblé. Il y a quelque chose qui est mal compris. Et bon, voilà, selon moi, je vais être un petit peu radical, mais je pense que tant qu'on n'a pas fait ce travail de fond, de réapprendre quelque part à vivre et de réapprendre de se rééduquer pour justement donner la vie, tant qu'on n'a pas fait cela, je pense que ce n'est pas utile de faire un enfant. Moi, je suis assez radical là-dessus. Je pense que c'est vraiment très important que. Bon, je dis ça, je ne jette pas la pierre aux parents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'avant de penser à faire un enfant, c'est très important de se dire, est-ce qu'on a les conditions déjà pour avoir un enfant pour qu'il puisse grandir correctement? Et est-ce que nous avons un mode de vie et une intelligence, une organisation qui est appropriée pour que ce petit être vivant puisse grandir correctement et dans quelque chose qui est bienveillant? Voilà. Je pense que si on n'a pas réfléchi à ça, avant de donner un enfant, je pense qu'on commet une erreur. On commet une erreur, et même présentement et pour les générations futures. Certainement. Et moi, c'est pour ça que je propose des accompagnements de femmes enceintes et des stages pour les familles, parce que je pense que c'est primordial d'agir sur cette séquence-là de vie. Je pense que pour être déterminant pour un futur, il faut d'ores et déjà la génération qui vient l'accueillir comme elle devrait être. Tout Donc il à y a fait. des solutions pour ça parce que nous-mêmes, on n'a pas été accueillis comme il fallait et c'est pas toujours évident de donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est même très compliqué, C'est très mais compliqué, on peut réussir quand même à se réparer petit à petit et à donner aux enfants ce qu'il faut. Parce qu'on est dans une société très paradoxale où les tout petits sont laissés s'autonomiser dès un âge qui est complètement indu parce qu'il ne faut pas qu'ils s'attachent. Et à côté de ça, dès qu'ils grandissent un peu, ils vont à l'école et il faut les forcer à apprendre quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc on leur demande l'autonomie et en même temps on les prive complètement d'autonomie sur leurs apprentissages, sur leur ressenti d'eux-mêmes, etc. C'est un paradigme qui ne peut pas fonctionner, quoi, Oui, selon exactement. moi. Un enfant, selon moi, ne peut pas grandir correctement dans cette société, surtout si il est enregistré dans le système scolaire. Voilà, dans le système scolaire actuellement, il a besoin de sa mère, ouais, il a besoin en réalité de toute sa famille, hein, et quand je dis toute sa famille, c'est même plus que On parle du proverbe, il faut un village pour éduquer un enfant. Hein. Mais c'est encore une fois, C'est ça exactement c'est ça. vraiment un proverbe, C'est de la véritablement, j'avais sagesse. voilà, exactement, oui. Et puis, voilà, il a besoin de recevoir physiologiquement des hormones, toutes sortes de substances qui proviennent du lait maternel. La mère doit être également posée dans quelque chose qui est stable. Elle doit être bien entourée pour permettre justement d'apporter le nécessaire convenablement à son enfant. Voilà, elle doit ne manquer de rien. Et toute la communauté doit être autour d'elle pour lui permettre d'avoir tout ce qu'il lui faut. Pour vivre correctement et apporter la vie à cet enfant correctement. Ça, là encore une fois, on ne peut pas se dire que ces choses-là sont optionnelles. On ne peut pas. C'est tout un environnement. Ce sont des choses qui sont nécessaires et ça me paraît fondamental pour moi vraiment d'en parler parce que c'est quelque chose, encore une fois, que bah, même en hygiène, on sous-traite quelque part. On ne va pas dans la discussion de ce genre de choses. Voilà. Et on est vraiment encore dans le registre de la santé, hein. C'est, pour moi, c'est pas Oui, et quelque chose. là, on le voit avec le confinement, toutes les mères qui ont accouché à l'hôpital pendant le confinement n'ont pas eu le droit d'avoir leur compagnon à leur côté les premières nuits à l'hôpital, n'ont pas eu le droit d'être accompagnées. C'est catastrophique, Oui, bah c'est. vraiment catastrophique pour le bien-être de toute notre société. Bon. Aujourd'hui, c'est l'État qui veut vraiment avoir la mainmise sur tout. C'est l'État qui veut prendre en charge tout et qui appauvrit les familles en ce sens. Voilà. Des familles qui sont fortes, c'est un État qui est faible et un État qui a très très peu de pouvoir. Aujourd'hui, on vit tout l'inverse. On vit des familles qui sont déstructurées et atomisées et un État qui est très fort et qui veut. Qui tout simplement qui veut gérer absolument tout. D'ailleurs, l'État lui-même le dit, ce sont les enfants de l'État. Voilà. À partir de cet instant où on n'est pas d'accord avec ça, on est directement hors la loi. Ça, il faut le savoir. Et de toute manière, on ne peut pas vivre, quoi qu'il en soit, selon la vision consumériste que souhaite imposer cet État. Donc, il faut vraiment faire. Moi, j'essaye de reconstituer là depuis plusieurs années. Ma volonté et je souhaite passer justement à travers le rassemblement par les arts vivants dont on a cité, prendre soin, jeu, rythmique, chant, danse. J'essaye et c'est ce que je vais mettre en place aussi pour les mois et les années à venir. Donc des rassemblements, des stages pour permettre de relier les gens entre eux et petit à petit de reconstituer des communautés. Parce que je pense que ça, c'est voilà, on doit reconstituer des communautés pour que les gens reviennent et se remettent à vivre ensemble et puis commencent à mettre en place, si tu veux, tout un programme, toute une organisation pour que le quotidien de chaque être vivant soit léger et simple et puis pour que chacun puisse vivre convenablement, correctement. Voilà. Oui, ça j'adhère à 100%. On termine l'interview avec une dernière question. Quel premier pas tu recommanderais à un néophyte qui voudrait entamer un changement vers plus de santé, de liberté et de bien-être? Alors, quel premier pas? Moi, la première chose que j'inviterais finalement ces personnes à faire, c'est étudier. C'est-à-dire que il y a trois fléaux, moi, si tu veux, que je vise. C'est vraiment l'ignorance. L'ignorance, c'est vraiment la base de tout. Aujourd'hui, les personnes qui vivent dans l'ignorance ne peuvent pas se comprendre ce qui est essentiel pour vivre correctement. C'est aussi l'inconscience, voilà, rester dans une forme d'inconscience, et puis c'est l'incompétence. Bon. Donc le néophyte doit commencer par le début, c'est-à-dire qu'il doit déjà se S'instruire. s'instruire. Voilà. Il doit déjà neutraliser l'ignorance et vivre avec un savoir qui est authentique, un savoir qui est basé sur les lois et les principes du vivant. Pour moi, c'est essentiel. Parce qu'une fois qu'il comprend ce que c'est la maladie et ce que c'est la santé, une fois qu'il comprend ce qu'il est nécessaire d'avoir pour vivre en santé, et qu'il a compris finalement comment fonctionne le vivant et qu'il a bien étudié les lois et les principes qui soutiennent le vivant, eh bien, à ce moment-là, il peut commencer à démarcher vers quelque chose qui est, eh bien, qui est juste et qui est conscient. Voilà. Donc, il peut commencer à faire des expériences et à prendre conscience avec ce savoir de quelque chose qui a de la valeur. Et ensuite, après expérimentation envers lui-même, eh bien ensuite, c'est le gros travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire le fait de faire avec les autres. Parce qu'à un moment donné, le néophyte qui est arrivé jusqu'à un certain niveau, il doit passer à autre chose, à quelque chose qui est plus grand que lui. Et là, on revient dans la communauté. On est dans le faire ensemble. Une fois que le néophyte a compris ce qui était favorable pour les bases, okay, pour l'entretien de son corps et le fait qu'il doit faire partie d'un environnement naturel et vivant, eh bien, il doit donc se remettre à vivre à l'intérieur de cet environnement. Et ça doit passer forcément par la communauté, selon moi. Voilà. Et c'est la première chose par laquelle il faut savoir, il faut passer, parce que l'ignorance, l'inconscience et l'incompétence, ce sont vraiment les piliers de l'incompréhension. Et de la Si tu manipulation. et la manipulation, bah, si tu ne comprends pas, tu vas te faire manipuler. Il y a plein de gens qui se posent la question, enfin surtout là moi, dans mon milieu, les gens se posent la question pourquoi il y a des gens qui s'éveillent et pourquoi il y a des gens qui s'éveillent pas? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à s'éveiller vis-à-vis de tout ce qui est en œuvre dans la société aujourd'hui et dans le monde. Ben parce que tout simplement, ils vivent, ils subissent l'incompréhension. Et l'incompréhension est maintenue par l'ignorance, l'inconscience et l'incompétence. Si tu es ignorante, tu ne peux pas comprendre. Si tu es inconsciente, ben tu ne peux pas comprendre non plus certaines choses. Et si tu es incompétente, eh ben non plus, tu ne peux pas comprendre ce que tu pourrais réaliser là encore. Donc, neutraliser ces trois fléaux, ignorance, inconscience, incompétence, me paraît ici fondamental pour sortir de l'incompréhension et alors pouvoir être actif et donc être dans une phase d'éveil pour ensuite prendre sa vie en main. Je te remercie pour Je ces t'en prie. paroles de sagesse. On Merci se à toi. retrouve donc lundi 1er avec Dominique Guyot qui nous parlera de l'alimentation sensorielle qu'il a créée. Voilà. J'espère vous retrouver Super. lundi. Et merci encore, Farès. Et puis bon courage Merci à toi. pour tes projets. Merci beaucoup. Merci à toi, Oriane. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.